Bonjour à tous et bienvenue sur Deux Hommes et un Bouquin, les podcasts qui prend les livres par la quatrième de couverture. Cette semaine, et ça fait même plusieurs semaines, qu'on a lu Sur la route de Jack Kerouac. Et voilà, petite analyse, petit complément d'enquête, etc. Comment ça va, Mathieu ? Ça va. Là, je viens de rentrer. Là, je suis enfin dans ma maison au Portugal où je me fais choyer comme une petite poule. Et puis, moi, en fait, le livre, là, je l'ai fini il y a quelques jours, en fait. Hein. Bon, désolé. Ouais, parce que là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon bouquin, il est dans un carton, on sait pas trop où. Je l'ai perdu, donc toutes mes petites notes aussi. Donc voilà, professionnel jusqu'au bout. J'en suis pas très fier. Ouais, je suis pas très fier, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça rejoint un peu l'esprit podcast, l'esprit comme ça, nature, et surtout l'esprit du bouquin, hein, Sur la route quand même, qui, on le rappelle, parle d'une virée, de trois virées en fait, d'un New-Yorkais qui se promène de long en large dans les États-Unis. Ouais, et puis surtout en fait, ça a été écrit en trois semaines par Jack Kerouac. Il a collé, en fait, il a pris des feuilles qu'il a collées avec du scotch. Il a tout mis dans sa machine à écrire. Et puis il a tout écrit d'une traite en trois semaines. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire le podcast. Voilà, on va le faire à l'écrit et dans trois semaines. Voilà, c'est cadeau. Voilà. D'ailleurs, petit annoncement, on s'est dit petite annonce. On s'est dit qu'on allait arrêter avec nos blagues de merde au début, là, dans l'intro. Donc là, ça va être... je pense qu'on va commencer direct le podcast, parce que ça faisait rire personne et ça ne faisait même pas rire en nous. En fait, ouais, ça nous mettait tout de suite dans la gênance, comme on dit maintenant. Et, ouais. Et puis le vrai problème, c'est que on mettait genre vraiment 3 heures à les préparer, c'est pour un succès plus que limité. Et puis notamment, on se faisait attaquer par le CSA parce que vraiment nos blagues étaient nulles. Du coup, bref. Voilà, je pense que c'est tout bénef. On recevait des messages privés de Sim, de Gérard Montagnier. Voilà, Sim, qui sait ? Bon. Les grosses têtes, les grosses ouais, têtes. Ouais, sûrement. T'écoutais pas non. Les grosses têtes ? Non. Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé de ce bouquin ? Ah bah écoute, moi, sur la route, ça a été longtemps ma Bible. Ça a été, c'est ça qui m'a inspiré à voyager. En fait, je l'ai lu pour la première fois il y a plus de 10 ans et à l'époque ça m'a rendu complètement dingue en fait. Je suis parti aux États-Unis, je me suis mis littéralement à voyager à cause de ce livre parce que je trouvais ça complètement dingue et les personnages étaient tous ouf, voilà. Maintenant avec un peu de recul, j'ai un avis différent, surtout qu'avec j'ai eu des expériences de voyage aussi du coup, je le regarde avec ce prisme-là, mais c'est toujours un plaisir de lire sur la route, parce que la folie est toujours là. Donc ouais, mais donc toi, tu peux dire quand même, t'as voyagé plutôt grâce au bouquin, pas à cause. Tu vois, pour tout, c'est plutôt une satisfaction. Bah grâce et à cause, puisque ça m'a valu d'autres. Tu veux dire quand t'as chopé c'est pas toujours agréable. Ouais, quand t'as chopé la gonorrhée notamment, là, c'était quand même pas un bon moment. Hein. Voilà. Par exemple. Bah vu qu'on me demande pas mon avis, moi je vais le donner, hein. Non, mais j'allais te le demander. Bon. Putain, patience. Bon, bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était une sombre merde. Hein. Ça, les bouquins de hippie, j'en ai ras le cul. Non, en vrai, j'ai trouvé ça. Ça va, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a des passages où c'est un peu. En fait, c'est pas de la grande littérature. En vrai, je m'attendais vraiment à un calvaire, genre un bouquin de fanboy machin. Et bah, j'ai pas été déçu. Hein. Non, en vrai, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça vraiment, en fait, agréable à lire. Ça se lit bien. C'est pour un bouquin écrit en trois semaines, je trouve que le. Mais je crois qu'il, enfin, il a été réédité plein de fois. Du coup, enfin, lui-même a beaucoup retravaillé ses écrits. Mais l'écriture est agréable sans être une immense qualité, mais c'est assez agréable à lire quand même. Et puis c'est très linéaire. Donc en fait, il y a un côté journal qui est, pour moi, son principal défaut aussi en fait. Donc voilà, ça manque un peu de profondeur par moment. Mais Ouais. puis en fait, je vois pas l'intention qu'il y a derrière. Mais sans ça, voilà, je capte pas le côté générationnel du bouquin. Mais bon, voilà. Bah, en fait, moi, l'intention, justement, c'est ça le truc, c'est que l'intention, c'est qu'il n'y a pas d'intention. C'est de la littérature, c'est purement de la littérature dans le sens où les seules choses qu'il décrit, c'est ses impressions, c'est l'énergie d'une époque, et justement, c'est ça la force du bouquin. C'est le bebop, c'est les drogues, c'est le fait de vivre au jour le jour, le fait de ne pas avoir d'argent. Et la description des personnages, puisqu'il n'y a vraiment pas d'histoire, c'est juste une succession de personnages et de personnalités aussi. Alors, ah, c'est... Ouais, Et ouais. dans ce sens-là, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand même hallucinant de rencontrer autant de gens, puisqu'on rencontre pas autant de tarés dans une vie comme ça quand on se promène dans la rue. Et c'est Oh, juste ça, c'est un gros les États-Unis, taré, hein. puis un Tout autre gros taré. est fourmi, là. C'est pas. Or, ils sont fous, Oh, hein. Ça, ils c'est des sont grands fous. malades, hein. Ça, ils sont fous. Nous, on est, hein, c'est un peu d'ordre, hein, quoi. Voilà, l'ordre, la rigueur, la morale. Oui. D'ailleurs, j'espère que tu vas aller voter. Eh oui, parce que Et... figurez-vous qu'on enregistre à quoi, 4-5 jours? 5 4-5 jours, jours ouais. du premier tour des élections présidentielles. Bon, évidemment, en fonction de qui sera élu, on publiera ou non ce podcast, parce que évidemment, pas sûr qu'on ait le Faut droit. pas Ouais, d'emmerde, voilà, hein. pas d'emmerde, hein. Mais bon, bien sûr que je vais voter, mais bien sûr, je suis un citoyen. Voilà, je me sens en devoir de le faire. J'imagine que toi aussi. Alors moi, je m'y suis pris 3 semaines trop tard pour faire ma carte d'électeur, ce qui fait que non, je peux pas voter. Je sais même pas comment je peux encore te donner la parole dans ce podcast. Putain, et c'est n'importe quoi. Tu sais que j'ai honte, hein, j'ai honte, Ouais. Mais en vrai, ouais. Et pour revenir au hein. bouquin, ce qui était quand même. À la base, on n'est pas trop un podcast d'actualité, hein. On est plutôt. Voilà. Pour revenir au bouquin, et parce que là, on est directement rentré dans le vif du sujet. Et si je peux dire, moi, mon impression globale, elle est un peu inverse à toi. J'ai du mal à comprendre ce bouquin comme une succession d'impressions. Je vois plus un mec qui se promène, qui en fait globalement il pense à rien. En fait, il fait que se promener parce qu'il a l'appel de la promenade. On dirait un chien qui part pisser en fait, parce qu'il a besoin Ouais, littéralement, c'est ça. de se promener. Et en fait, il a ce désir de vivre Ouais. tellement énorme qu'en fait il manque un truc moi qui pour moi est indispensable et indissociable des voyages et des bouquins, qui est le fait de se poser, de profiter, de la contemplation. Il n'est pas du tout là-dedans. Donc en fait, même quand il parle de gens, moi je perçois plus, en fait, il parle des gens, il parle plutôt des expériences qu'ont vécues ces gens-là que des gens en tant que tels. Il parle des gens, ce qu'ils font et pas trop ce qu'ils sont. Ouais, bien sûr, mais ça Bernard Pivot, c'est c'était, aussi le voilà, principe, Bernard. c'est très à la ouais, c'est très c'est beaucoup à la surface. Mais après moi je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait qu'il se pose pas pour observer, puisque justement il y a beaucoup de phases d'observation, notamment au moment où il se retrouve avec cette jeune Mexicaine et où il doit travailler dans les champs. Justement l'intérêt c'est ce qui l'entoure. C'est le Nouveau-Mexique, c'est les champs de coton, c'est tout ce qui est autour de lui, les personnages autour de lui. Et je trouve que oui, justement, c'est beaucoup dans l'observation, mais je trouve que Ouais, ce t'as raison, personnage de je suis Sal assez d'accord avec Paradise... toi. C'est ouais. Ouais. Ce chapitre est sans doute celui qui m'a le plus plu pour ça, ouais. Je suis assez d'accord. Mais Ah ouais? d'un autre côté, je mettrais quand même un petit bémol, c'est que, au contraire, je trouve qu'il fait justement, c'est le seul chapitre où il parle de lui, en fait. Et Ouais, il parle moins des autres. Et c'est là après il y a des ce qui passages est à intéressant. Denver. Voilà. Mais c'est ça le truc, c'est que en fait, si tu veux, je pense qu'il parle de lui justement quand il n'est pas avec son acolyte, quand Dean Moriarty n'est Mais en pas fait, c'est là. lui qui viruse le bouquin, C'est hein, en vrai. Hein. complètement, ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai trouvé ça aussi, puisque mais on y reviendra. Mais déjà, il faut parler un peu du contexte du livre. En fait, sur la route, c'est l'expérience propre. C'est presque une biographie, en fait, puisque c'est l'expérience de Jack Kerouac. En fait, il raconte sa propre expérience avec son ami Neil Neil Cassady, qui en Cassady. réalité, donc ça, c'est Neil Cassady, c'était le vrai Dean Moriarty, c'est son véritable acolyte, qui a réellement existé, qui a pour de vrai fait de la prison, qui a apparemment couché avec des centaines de femmes et qui a Et des été dizaines d'hommes. qui Et des hommes aussi, probablement, et qui apparemment écrivait de très belles lettres, et qui s'est rapproché donc des écrivains de la Beat Generation, comme Kerouac, comme Ginsberg, comme Burroughs, et parce qu'il les inspirait beaucoup et il voulait être proche d'eux et leur transmettre son énergie. Donc Kerouac a été infiniment inspiré par ce jeune gars donc qui s'appelait Neil Cassady, qui n'était pas un écrivain, c'était juste quelqu'un qui vivait très très intensément. Et donc il lui a carrément consacré le livre Sur la route, dans lequel il s'appelle Dean Moriarty. Mais d'ailleurs, tu parlais de différentes versions du livre, et la version originale citait les véritables noms. Ah d'accord. Donc par exemple, on a... Ouais, je l'ai, c'est cette version originale, donc dedans, les personnages, c'est pas Sal Paradise et Dean Moriarty, c'est Jack Kerouac et Neil Cassady. Il faut dire que... donc voilà. Mais alors, comme tu disais, l'essence même du livre, elle commence qu'à partir du deuxième chapitre. Et l'essence, ça sera un problème récurrent dans le livre, étant donné qu'ils utilisent souvent des voitures avec des réservoirs à moitié vides. Ouais, bah tout le temps, en fait. Ils sont obligés de prendre des autostoppers sur la route pour leur faire payer l'essence. Ouais, parce que le contexte du bouquin était bien décrit, mais l'histoire, en fait, c'est que... Notre personnage principal, donc Sal, qui est le narrateur, ressent régulièrement des envies de voyage, de vivre à travers ses voyages, de se promener dans les États-Unis. Donc en fait, il fera trois voyages entre 1947 et 1950, en utilisant, en partant avec des amis différents, etc. Et donc le bouquin Sur la route, c'est le récit de ces trois voyages-là, en trois longs chapitres. Concrètement, il y a quatre voyages, puisque il y a aussi le voyage au Mexique à la fin. Après, c'est quand même intéressant au niveau du contexte, puisque c'est de voir à quel point il était facile de voyager à l'époque, puisque ça, comme tu l'as dit, ça se passe dans les années 40. Mais c'est les 30 glorieuses, tu sais, avec l'envie de vivre qui intervient comme ça, qui surgit à travers toi après les marasmes de la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est forcément ça. Voilà. C'est l'envie de vivre, c'est la belle vie, c'est la dolce vie. C'est le désir de brûler la vie par les deux bouts. Hein. Ça, c'est... Enfin, voilà. Et les femmes. Et les femmes, ouais. Alors, les femmes... Mais je trouve que les femmes restent quand même, dans ce bouquin, hyper survolées. Hein. Comme tous les personnages, ouais. Je trouve que c'est trop en surface, en fait, comme livre, et c'est pour ça que je comprends très bien que toi, t'as apprécié ça quand tu l'as lu pour une première fois à 5 ans, en CP, là, c'est pour ça d'ailleurs que t'as mal viré après, hein. J'ai du mal à... Une fois qu'on a grandi, je pense, et qu'on s'est construit intellectuellement, c'est un bouquin qui manque de profondeur. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais ça, je m'en suis aperçu qu'au bout de plusieurs lectures. Moi au bout d'une seule, voilà, voilà tout ça. Je te félicite. Voilà, enfin, ouais, c'est cadeau. Mais moi justement, j'avais trouvé au départ que c'était justement qu'il y avait une vraie essence, ne serait-ce que pour l'intérêt des personnages et aussi le contexte du voyage. Maintenant, en le relisant, c'est vrai que je trouve que, comme tu dis, c'est survolé, il y a beaucoup de choses, il y a rarement ces impressions personnelles, puisque tout passe par le prisme... par la folie, en fait, son observation de la folie de son ami Dean Moriarty, qui est de pire en pire. Donc lui, il a toujours ce côté observateur, mais je pense que c'est à l'image de Jack Kerouac qui était vraiment un observateur, qui observait sa société et qui aussi avait probablement, comme on le voit dans le voyage, tendance à se mettre de côté et à observer la folie de ses amis, que ce soit Ginsberg ou Burroughs, qu'on voit. En fait, donc Ginsberg s'appelle Carlo Marx dans le livre, et William Burroughs, il s'appelle Old Bull Lee, et il vit à la Nouvelle-Orléans. On les voit brièvement, les deux. Ginsberg, qu'on perçoit comme étant en fait un peu le gourou de tout ce groupe de petits jeunes qui se promènent d'un bout à l'autre des États-Unis. Ouais. Parce que finalement, c'est le seul qui voyage réellement. Ginsberg, il a été en Afrique, il a voyagé en Europe, ouais, il s'est installé à Tanger. Ouais, c'est très marrant, ça, c'est que dans le bouquin, donc ils ont vraiment cette soif de voyager, cette soif de bouger, disons, de plus être sédentaire. Mais il n'y en a aucun qui se dit « on va sortir des États-Unis ». Enfin, ouais. Genre, prendre un bateau, parce qu'à l'époque, on va dire que l'avion, c'était compliqué, mais prendre un bateau, ça leur est même pas venu à l'idée, quoi. Si genre on fait le tour de notre cage, quoi. Kerouac, si, en fait, euh, il a, euh, il a justement, il a pris le bateau pour vrai. Là, c'est pas décrit dans le livre. Il a été en Europe, il a été à Tanger, mais ça lui a pas vraiment plu. Donc, il est rapidement retourné aux États-Unis. Pourtant, son prénom aurait bien collé à la fois à l'Europe et à Tanger, vu que il est né en s'appelant Jean-Louis. En fait, il est d'origine québécoise. Ses parents sont québécois. Sa langue maternelle est le Une français, espèce de le français, joual, voilà, une en fait. espèce de français Ouais. curieux. Ouais. Et ses parents, en fait, sa famille au départ est bretonne. Ils venaient de Bon, Bretagne, ils ils sont sont de passés par le Plouhennec, Québec. là, à côté de Douarnenez. Oh, ça, c'est C'est une ça. belle. Pour dans le Ah, maison. c'est une belle baie, ça. Ouais. Et d'ailleurs, il existe des interviews de Kerouac qu'on peut trouver sur YouTube, sur A Radio-Canada ou d'autres chaînes où on le voit parler en français, puisque c'est sa langue maternelle et il a un gros accent québécois. Ouais. Alors, ce que. Donc voilà, il se réclame aussi de cet héritage francophone. Beaucoup, il en parle beaucoup dans d'autres Ce livres. que tu disais aussi sur cette approche qu'a Kerouac, disons d'observer c'est comme ça, c'est congénère, je la trouve un peu étonnante parce qu'on a souvent l'impression que c'est un peu des notifications, donc un peu frénétiques, d'un médecin d'hôpital psychiatrique. Donc. Bah oui, il est avec un gros taré, là, Ouais, avec un malade mais mental tout au sans, long tu du vois, livre. il y a rarement ce côté, disons, analyse, ou même pas analyse, mais tu as juste. Un autre point de vue, tu vois, ou quelque chose d'un peu différent. Je trouve ça presque trop. Je sais pas, il est trop dans la première perception, tu vois. Il décrit ce qu'il voit, en fait, et sans forcément dire ce à quoi ça lui fait penser. Non, mais c'est vrai. Mais ça, je pense aussi que c'est dû à la forme d'écriture, puisque en 3 semaines, il a écrit non-stop en 3 semaines, et je pense qu'il a survolé pas mal de choses, mais il a été obligé. Mais c'est ça aussi le principe de son style d'écriture, l'écriture instinctive, qui fait que ben, malheureusement, il y a des choses qui restent sur le carreau, qui restent un peu sur le côté, qui sont délaissées, telles que, ben, je pense, le jugement intrinsèque. Et c'est beaucoup basé sur l'observation, et c'est une succession de faits. Parfois même d'ailleurs, ça semble un petit peu arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Des fois, il parle de quelque chose, et puis hop, il passe complètement à autre chose. Et c'est assez. Parfois, je comprends que ce soit un peu déroutant. Mais d'ailleurs, Déroutant, c'est c'est pour bien ça que le vu, c'est bien livre. vu. Quel... C'est ça. Je l'ai fait exprès Mm. d'ailleurs, hein. Je l'avais préparé, je l'ai noté. Déroutant, placer ça à la minute Et 17. puis on avait hésité à le mettre surtout en intro, et puis là on s'est dit, ouais, encore une fois, on va faire sobre. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense, qu'au niveau de la réception du livre, c'est réellement soit on adore, soit on déteste. Ou en tout cas, on trouve justement que c'est trop en surface, que c'est vraiment une succession de faits avec peu d'impressions. Ou alors on adore parce que ça nous fait découvrir une Amérique d'aventure, des gens complètement fous. Et pour cet aspect-là, ça peut être intéressant. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, c'est vrai que peut-être que ça n'aurait pas forcément mérité le titre d'œuvre majeure dans la Beat Generation, puisqu'il y a des livres qui sont bien plus Et en poussés, vrai, il aurait notamment. presque pas mérité qu'on le commente dans Deux hommes et un bouquin. C'était à la limite, il était à Alors, la je suis pas limite. d'accord avec toi. D'ailleurs, je me demande où on va le placer dans Ouais. ce panorama de Oh ouais, livres. on n'en est pas là encore. Parce que, Non. mais tu sais, ce Est-ce côté que. aussi un peu frénétique fait que j'ai du mal, par exemple, à dissocier les trois voyages. Parce que le bouquin est écrit de manière très chronologique, hein, donc c'est très clair qu'il y a un premier voyage, un deuxième et un troisième, et même un quatrième. Mais disons dans mon souvenir immédiat, j'ai vraiment du mal à les dissocier, ces trois voyages, parce que tout se ressemble en fait un petit peu. C'est toujours le même contexte, c'est-à-dire à la base ce désir de vivre, quitte à en fait à rien faire de la vie, mais quitte à bouger en fait. Et après, il se promène, donc voiture XY, camion XY, stop machin. Mais tout ça, on ne dissocie pas vraiment les trois étapes. En fait, il n'y a pas du tout d'évolution, par exemple, dans la structure psychologique des personnages, enfin, puisqu'en fait, qui ne sont pas des personnages, qui sont des personnes réelles, mais il n'y a pas du tout d'évolution d'un voyage à l'autre. C'est à chaque fois, en fait, un instinct qui se manifeste et qu'ils doivent à chaque fois. Voilà. Ben, moi, je suis. Justement, en fait, là, je suis assez. Je suis pas d'accord avec toi, puisque Bah, t'es là en pour fait, ça en mon même temps, premier. hein. T'es là pour faire la gueule et tout. Bah voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, moi je trouve que. Enfin, c'est assez clair quand même la différence entre le premier et le deuxième voyage, puisque le premier voyage, il le fait tout seul en stop. Jusqu'à Denver, puis après il continue jusqu'à San Francisco, Los Angeles, tout ça, où il rencontre, donc il rencontre en Californie une jeune Mexicaine. Après il rentre à New York, et là il retrouve Dean Moriarty, et là ils vont voyager ensemble. Donc le contexte du voyage est différent, puisque c'est plus en stop, et c'est aussi ça implique aussi un partage des émotions, un partage des êtres. Et moi je trouve que, tu sais, tu parlais du manque d'évolution des personnages. Moi, je trouve qu'en fait, Sal Paradise, même s'il n'en parle pas, on sent que lui, il évolue quand même un peu, puisqu'au début, c'était un gamin qui se cherche et qui sait pas s'il va aller à l'université, s'il va vivre avec sa tante, qu'est-ce qu'il va faire. Il essaie d'écrire un livre. Puis après ça, dans le deuxième voyage, il est prêt à vivre n'importe quelle expérience avec son ami Dean. Et donc, on le voit qui malgré lui, commence à sombrer aussi dans la folie et à vouloir se perdre et à vouloir observer les gens. Donc ça, je trouve qu'à ce niveau-là, même implicitement, c'est quand même intéressant à voir. Ouais, c'est, non, c'est vrai, je te suis assez là-dessus. D'ailleurs, si je peux juste me Non, permettre, en fait, permets-toi. Kerouac, avant même de voyager avec Neil Cassady slash Dean Moriarty, il avait écrit un livre qui s'appelait The Town and the City. Et en français, ça a été traduit par Avant la route, je Ouais. crois. Et ce livre n'a absolument rien à voir avec le reste de son œuvre. C'est pas du tout un livre de voyageur ou de folie ou voilà. On commence à distinguer les premières essences de son écriture, mais c'est vraiment différent de Sur la route, qui a été son prochain livre. Parce que entre-temps, il a rencontré Dean Moriarty ou Neil Cassady, pardon. Et son écriture en a été Ouais, bouleversée. c'est comme Virginie Despentes, hein. Avant, elle écrivait elle écrivait du Proust, hein. Et hop, résultat, je sais pas ce qui s'est passé, et hop, ça a changé. Elle écrit du Jean-Marc Morandini maintenant. Encore une fois, alors là, je te rappelle qu'on nous a assez reproché, et pas tout le temps reproché d'ailleurs, mais nos jugements à l'emporte-pièce, et je me permettrai certainement pas de critiquer la verve de Jean-Marc, hein, parce que, enfin, voilà, surtout la Ok, verge, et autant pas pour la moi. verge de Jean-Marc. Oui, la verge. On va la garder, on va la garder. Il y a un autre truc aussi qui m'a fait marrer dans ce bouquin. Enfin non, même pas marrer. Mais en fait, je sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'étais quasiment persuadé que c'était un triptyque de voyageurs. Donc Dean Moriarty, Sal Paradise et la meuf Marie-Lou. Et en Ouais, fait, j'étais... ça c'est dans le deuxième Ouais, j'étais voyage. quasiment... Ouais, mais... En fait, Marie-Lou, on n'en parle pas, quoi. Mais on parle des, comme tu l'as dit, les femmes sont un petit peu laissées de Voilà, côté. c'est Elles aussi pour ça que j'ai sont pas aimé ce juste. bouquin. Souvenez-vous-en. Hein? Ouais. Alors ça c'est pour la caution, hein, Voilà. merci. Sauf la petite mexicaine là. Mais elles sont, ouais, c'est vrai qu'elles sont, mais parce que justement c'est le personnage principal qui sort avec elles. C'est pas Neil Cassady. Voilà. Parce que les femmes sont un petit peu les supports de la folie de Dean. Parce que Dean, il est tout le temps en train de courir d'une femme à l'autre. Il se marie systématiquement avec les femmes. Il est tout le temps en train de divorcer, de se marier. Au début, on le voit, il est avec une certaine Camille à San Francisco. Puis après, il se remet avec son ex-femme Marie-Lou, avec laquelle sale et Dean voyagent. Après ça, il divorce, il est plus avec Marilou, il en retrouve une autre. Après, il s'installe avec une certaine Inès à New York, ouais, avec qui il va se marier. Puis pour le dernier voyage, il la quitte. Et donc c'est que ça, c'est en permanence ça, et on les et voit. Et ça a créé une forme de frustration sexuelle assez intense chez Sal, je pense. Parce ouais, que clairement, dans plusieurs, à plusieurs reprises, ça sous-entend que lui, il aura le droit un peu de participer aussi à la, disons, à la débauche. Et à chaque, surtout avec Marilou. Voilà. Et en fait, à chaque fois, ça, elle lui file sous le nez parce que clairement, en fait, elle veut juste rendre jaloux son copain l'autre. Et bref, donc ouais, là, il se fait clairement friendzoner, comme d'hab. Pour Sal. Ouais, mais justement, ça a l'air d'être un, ça a l'air d'un, d'être un sympathique, sympathique nerd, un mec qui a pas l'air, qui a l'air assez discret, qui a l'air de, d'être complètement effacé face, ouais, face pour à moi, je perçois surtout le mec qui va nous faire un Bowling for Columbine, tu vois. Un mec bourré ouais, de névrose, hein, c'est Sal. Alors qu'à l'ami, Dean, tu vois, genre, c'est un mec, il a le problème classique freudien, voilà. Et dû à une enfance difficile et sûrement privé de mère et un père alcoolique qui le battait avec un ceinturon. Et voilà. Bah, il faut aussi dire que tout le long du livre, il recherche son père. Tout le long du livre, il cherche le vieux Dean Moriarty, son père qui est un comme tu as dit, un alcoolique, sûrement SDF et un drogué. Bah ça c'est sûr, il a pas un domicile fixe, hein. Si on le cherche partout. Ouais, c'est ça. Mais du coup, à chaque fois qu'il voit des vieux hobos ou des vieux SDF, ils se disent que peut-être il y a le père de Dean là-dedans. Voilà, mais je voulais juste, si tu me permets, il y avait un passage que j'ai noté et qui décrit bien la personnalité justement de Sal Paradise et de Jack bien Kerouac. Bien sûr, je t'en prie. J'ai réussi, parce que je l'ai lu en anglais, mais j'ai trouvé une traduction en français. Je parlerai de la traduction après, parce que je suis... Ouais. Donc alors, voici l'extrait. « Je traînais derrière eux comme je l'ai fait toute ma vie derrière les gens qui m'intéressent, parce que les seules personnes qui existent pour moi sont les démons, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun, mais qui brûlent, brûlent, brûlent, pareils aux fabuleux feux jaunes des chandelles romaines, explosant comme des poils à frire à travers les étoiles, et au milieu, on voit éclater le bleu du pétard central, et chacun fait « Ah !» Voilà. Bah écoute, c'est vrai que c'est un des rares moments où on a l'impression que Sal a une existence propre, donc je te félicite de l'avoir trouvé. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est ce genre de passage qui n'est pas très récurrent quand même dans le bouquin, faut avouer. C'est-à-dire ? Passage où il parle de lui, de son envie de découvrir donc ces gens-là, enfin disons de ses propres motivations. Bah moi, je suis assez étonné que tu dises ça justement, parce que je trouve qu'on le ressent quoi, malgré tout, même si ça parle énormément de Dean. Enfin, moi, je trouve quand même qu'on le voit. Il ressent, parce que par exemple, il y a des fois où il est sur le point de mourir de faim, où il a ses propres. Attends, là, on parle de sur la route là. Ah bah, ouais, je me suis gouré de, ouais, je me suis gouré de bouquin. Ouais, à la putain. Fin du premier voyage, quand il rentre à New York pour la première fois, il a plus du tout d'argent, il est sur le point de mourir de faim, et il dit qu'il en a marre de la vie, qu'il veut plus vivre quoi. Ah bravo. Donc voilà quoi. Putain, ça lipi. Mais concrètement, c'est vrai qu'il se sert de Dean Moriarty pour exprimer son amour de la folie quoi, son amour des gens tarés comme il le décrit dans ce passage quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi je trouve que vers la fin, en fait justement le dernier voyage, celui où il décide de partir, en fait il repart de New York tout seul sans Dean. Dean est installé à New York avec sa nouvelle femme et il décide de partir et il se retrouve à Denver, et puis en fait au bout d'un moment il apprend que Dean est parti sur la route pour le retrouver, pour le suivre. Donc je trouve que ça aussi, c'est un cheminement. En fait, il a commencé à prendre le relais et à prendre le... À, puisque Dean, c'est un enfant. Et lui, il a décidé de prendre son indépendance et de partir sans Dean. Donc je trouve ça aussi intéressant qu'il ait son indépendance et qu'il fasse ses voyages. Là, tu parles du troisième voyage En fait, ça, c'est le quatrième voyage où ils finissent par prendre la direction du Mexique. Ouais. Mais ouais, alors c'est un voyage particulièrement intéressant aussi parce qu'il rencontre un autre mec qui est quasiment aussi dingue que Dean. Et du ouais. coup, en fait, ça apporte un peu un deuxième son de cloche, en fait. On n'est pas seulement, disons, dans la folie de Dean, on est aussi dans la folie de ce gars-là. Ouais, qui abandonne son grand-père et qui décide... Qui, c'est Sam Shepard. Ouais, et en fait, Ce qui est très marrant, c'est que le degré d'adoration de Sal vis-à-vis des autres personnages correspond en fait à leur degré de folie. Plus ils sont fous, plus ils les aiment, en fait. Ouais, Donc bon, il y a un peu de pervers narcissisme derrière, j'imagine. Mais bon, voilà. D'ailleurs, à un moment, il passe un peu de temps avec un mec qu'il rencontre dans un bus qui est sorti de prison. Ça, c'est vers la fin, quand il arrive à Denver. Il vient juste de sortir de prison et il lui explique un peu les codes de la prison. Et il est complètement fou et il est toujours sur le point d'attaquer des gens. Et Sal décide de le suivre et de lui faire participer à ses soirées, à ses fêtes. Donc ça, c'est Ouais. encore un autre taré. En fait, à chaque fois, il suit tous les mecs les plus fous parce que c'est ça qui l'amuse, en fait. Ouais, et un peu dans ce thème-là, il y a régulièrement, je crois que c'est dans le troisième ou le. Je sais plus dans quel voyage c'est, dans les derniers, il me semble. On sent enfin qu'il y a une envie chez lui de se poser. Parce qu'à chaque fois qu'il quitte des gens, donc que ça soit un groupe d'amis, surtout à Denver, des gens, par exemple, qu'il a rencontrés sur la route, à chaque fois il se retourne et regarde par la vitre arrière de sa voiture. C'est un geste qu'il a reproduit, je sais pas, 5-6 fois dans le livre, où en fait il voit les gens, il voit le paysage, donc l'horizon s'étendre, et les gens rapetisser au loin. Et donc c'est là qu'on commence à percevoir le fait que peut-être il y a une forme d'émotion qui se crée chez lui, et qui, franchement, pour moi, elle manquait vraiment jusque-là. D'accord. Ah ouais, c'est pas bête, j'y avais pas pensé, mais ouais, peut-être qu'il regrette de partir sur la route et qu'il voudrait s'installer un peu. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, puisque tu le vois après dans la Merci. suite, dans les livres suivants de Kerouac, donc Les Clochards Célestes ou Big Sur, ou je sais plus ce qu'il y a, Les Souterrains, Souterrain. où on voit vraiment qu'il a commencé à se sédentariser. Et d'ailleurs, lui, s'est sédentarisé, c'est un mot compliqué, Quatre syllabes. donc il s'est Cinq sédentarisé, syllabes. et Neil Cassady aussi s'est sédentarisé. Donc il y a une sorte de, je sais pas si c'est un ras-le-bol de la route, mais en tout cas c'est une volonté de Ouais, s'installer fin de et l'adolescence en fait, de fin de la petite crise quoi. il y a une sorte de maturité, ouais. Après, non, ce qui se passe c'est que en fait les chiens ne font pas des chats, et même s'il s'est installé, même si Dean s'est installé et qu'il a choisi une vie un peu plus sédentaire, dans la réalité, le Dean Moriarty réel, donc Neil Cassady, il est mort au Mexique. On a retrouvé son corps à côté d'un chemin de fer, je sais plus quoi, dans le désert. Et on sait absolument pas de quoi il est mort. Et donc jusqu'au bout, il aura vécu comme ça, une vie de paria un peu. Et une piqûre de serpent sonnette, ça leur avait pas venu à l'esprit par hasard? Peut-être. Mais le plus probable, c'est qu'il se soit fait assassiner. Enfin, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, c'est une espèce de fin un peu légendaire comme ça, parce que s'il était mort dans son lit à 90 ans, bon, le message aurait peut-être pas été le même aussi, quoi. Non, c'est clair. Mais Kerouac aussi est mort, a eu une fin assez sombre, puisque il s'est beaucoup cherché, il a été vers le bouddhisme, il a Bah, il avait cherché qu'à avoir une vers carte. il a été vers donc il a fait le bouddhisme, il a cherché plusieurs types de spiritualité pour finalement retourner vers le catholicisme, pour redevenir chrétien et mourir alcoolique. Voilà, enfin, en même temps, le christianisme et l'alcoolisme, il y a quand même un rapport. Enfin, Ça va l'Eucharistie, tout ça, souvent de c'est pair. pas. Je peux dire, Enfin. bah là justement, là c'était la procession de Pâques là, et je suis au Portugal, et Ça picole sévère. catholicisme et alcoolisme, ça va souvent de pair, ouais. Bon. Je pense qu'il voit souvent la résurrection. C'est beau, c'est beau. Et est-ce que toi, t'as un souvenir particulier de la fin? Parce que moi, oui. Bah écoute, la fin au Mexique, Mais ouais, non, c'est. justement, il y a la fin, le dernier, il y a un tout petit dernier chapitre d'une quinzaine, vingtaine de pages. Ouais. Donc en fait, Où ils reviennent à New ils York, c'est reviennent à ça? New York, ouais. Qu'en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que jusque-là, il n'y avait pas vraiment, en fait, disons que c'était juste l'histoire d'un journal. Donc, c'était au quotidien, au jour le jour, qui est-ce que je raconte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je. Voilà. Où est-ce que je vais? Et à la fin, met un petit peu, en fait, une perspective au bouquin. Et donc, je trouve ça un peu particulier, c'était pas du tout dans le même ton que le reste du livre. Sal, donc le narrateur, est installé à New York, mais vraiment installé, donc je sais plus si il va reprendre ses études, il a une femme, etc. Il Ouais, c'est est ça. vraiment installé. Il a un chien et un C8, je crois, ou une Laguna. Et donc voilà, il a des traites, il paye sa carte Navigo. Et là, il y a Dean qui intervient, qui arrive, parce que Dean est toujours là, bah, l'espèce de démon. Et qui se pose sur son épaule pour lui dire vas-y, viens, viens, on part virer, viens. Et là, lui, il le snob, mais complètement. Ouais. Et ce qu'on ressent vraiment, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent un peu, qui n'est pas toujours dans le bouquin, mais on ressent vraiment une envie de. Enfin, disons, c'est du mépris, quoi, qu'il avait pour Dean. C'est oh putain, c'est ce vieux. Enfin, c'est comme si c'est ce vieux pote qui revient après 15 ans qu'on n'a pas vu. Qui va nous parler d'histoire d'anciens combattants qui a pas grandi depuis l'époque, et ça me fait chier de le voir, ça me fait chier de l'inviter à bouffer, ça me fait chier de partir avec lui en vacances, quoi. Il y a vraiment ce côté-là que je trouve hyper étonnant, en fait, qui est pas du tout dans le même ton que le bouquin, et c'est là qu'on sent, en fait, franchement, un embourgeoisement de ouf, de sale, quoi. Bah, parce que moi justement, moi je suis pas surpris du tout, puisque en fait on note, comme je te, en fait on note une évolution de Sal tout au long du bouquin qu'il cherche, mais Dean pas vraiment en fait, il est toujours aussi du début à la fin il est taré et il est même de plus en plus taré puisqu'il le dit lui-même à un moment il a un ami qui lui demande comment va Dean et Sal répond bah il est encore plus taré qu'avant. Donc en fait, la seule chose qu'on sent, c'est qu'il devient juste de plus en plus taré, et il n'y a pas d'évolution vers le haut, en tout cas. Et quand il le retrouve plusieurs mois après, c'est toujours le même gars, quoi. C'est toujours le même vieux taré, et alors que ça, lui, il a évolué. Ouais, mais comment, enfin je trouve ça assez étonnant. Pourquoi ne pas avoir terminé sur la virée au Mexique, qui était en fait une fin qui correspondait au reste du bouquin, une fin qui était un peu mouvante, fluctuante, et là on arrive à un. C'est une vraie impasse, quoi, l'arrivée à New York, c'est bon bah écoute, maintenant c'est fini les conneries, j'ai 30 ans, je me pose. Ouais, c'est Ouais, mais ça. c'est. Je trouve que C'est ça. c'est Justement, dur comme c'est fin. intéressant puisque bah, ça annonce ses prochains livres qui sont plus autant des qui sont plus autant des bouquins de voyage. C'est beaucoup basé sur sur l'expérience même. Les livres suivants de Kerouac sont beaucoup plus sédentaires. C'est plus c'est Ils sont beaucoup plus matures, si on veut. C'est plus du tout un bouquin de voyageur. D'ailleurs, je voulais dire que j'aime moins les autres justement pour ça, où j'ai moins aimé à l'époque. Pour précisément ça, pour cette raison-là, puisque je préférais le voir bouger que de le voir s'installer. Et il faut dire aussi que moi je trouve que tu sais, tu disais que Dean voulait continuer à voyager et Kerouac voulait rester, mais je trouve que justement Kerouac c'est limite le moins voyageur de tous. C'est étonnant qu'il ait fait. C'est intéressant que ce soit lui qui ait écrit sur la route, puisque. Dans la Beat Generation, je trouve que c'est justement celui qui a le moins voyagé, puisqu'on l'avait dit, les autres sont partis en Europe, en Inde, en Afrique. Lui, beaucoup moins, quoi. Il est surtout resté aux États-Unis. Ouais, mais c'est un peu ce que je regrette, c'est que on perçoit quand même que c'est le personnage le moins important, le moins intéressant de tout cela. Je trouve que c'est celui qui a le plus d'introspection, en fait. Ouais, je trouve c'est. Eh ben, moi, je trouve c'est ce qui a manqué dans ce bouquin. Bon, D'accord. est-ce que tu aurais un dernier mot à C'est dire sur ce intéressant. bouquin ou à part le fait, bien sûr, que tu l'as adoré et que c'est encore ton livre de chevet, au point que les pages Non, en mais en sont toutes fait, jaunes et racornies? ouais, moi ça m'a beaucoup marqué, mais par contre, je dois le dire, c'est pour ça que je me devais de le défendre parce que ça a quand même été influencé. Mais je dois dire quand même que avec le recul, j'ai beaucoup moins d'admiration pour ce livre. Je l'ai vu tel qu'il était, c'est-à-dire un livre de fou, un livre sur le jazz, un livre sur la volonté de vivre, et c'est déjà assez beau comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas la plus belle œuvre littéraire qui soit. Ouais. Bah écoute, j'aurais un peu le même jugement que toi, mais en moins bon, hein, forcément. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé aussi de tout ce qui était le rapport à la drogue et à la musique, mais qui est toujours hyper prégnant dans ce bouquin. Et ça, c'est Ouais. intéressant. Mais voilà, je le trouve trop léger, en fait, trop en surface. Et disons, en fait, on aurait aimé un livre dont le contexte est le même, mais avec un. Ils ont un peu plus de contenu, quoi, de force. Ouais. Ouais. Bah, après, ça dépend ce qu'on recherche dans un livre, hein. Est-ce qu'on recherche l'introspection ou est-ce qu'on recherche la description d'une société? Mais c'est même pas une société, quoi. C'est trois clampins à moitié hippies, là, avec des poux. Oh non, oula! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Ouais, je crois qu'il est temps qu'on passe à un classement, en fait. Bah ouais, au classement. Ouais. Alors toi tu le toi tu mets alors je vais est-ce qu'on le rappelle rapidement? Bah, ça serait pas plus mal, hein. Ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour le site internet et je pense qu'on a un peu de retard. Ouais. Donc alors premier ce serait retour au pays natal de Thomas De Hardy. Thomas Hardy, il me semble, hein. Le deuxième, Le Ouais. vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer, ouais. Trois, je me Le livre souviens de plus la du jungle, tout, je on a mis crois. le livre de la jungle, en fait. Voilà, Je le livre crois de que la le livre de jungle, il la nous jungle avait est. beaucoup plu. Ah Ouais. non, en fait, je crois qu'on a mis le bûcher des vanités 3. Bah, livre de la jungle, bûcher des vanités. Après ça, on a. Parce que ça fait un bail, hein, c'est vraiment à l'arrache, c'est vraiment On est. à la Kerouac. Ouais, promis, il n'y aura pas de cut, hein. Non, non, non, 0-4. Donc, je sais que. En tout cas, dernier, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ouais, Avant bah ça, donc donc au-dessus de ça, c'est L'enfer d'Henri Barbusse, et je crois que c'est bah tout. c'est tout. Bah oui. Ouais, bah voilà. Bon bah écoute, très bien. Et bah écoute, moi ce livre, bon, pour. Je trouve, j'ai quand même pas trouvé inintéressant. Mais en fait, c'est dans le genre américain, etc. J'aurais même tendance à le mettre au-dessus du bûcher des vanités. Ah, merci, j'avais peur. Après, il faut savoir aussi, bon, là j'ai regardé les traductions et je trouve les traductions françaises assez mauvaises. Il y a eu plein de traductions en fait de Sur la route parce que c'est quand même un langage difficile à transmettre. Et là justement, je regardais et je voyais les différentes versions et je trouve pas que ça transmette assez l'énergie en Ouais, je suis français. d'accord. Et d'ailleurs, le langage parfois est La assez étrange. traduction par Charles Bidet est tellement mauvaise qu'en vrai, elle irait presque derrière Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Mais bon, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Monsieur Bidet, qui porte bien son nom d'ailleurs. Ouais. C'est pas vrai, il n'existe pas. Hein. Je ne le cherchais pas. Non, mais d'ailleurs, moi je sais pas qui a fait la traduction. Donc toi, et en anglais, toi qui l'as lu en anglais, tu le mettrais. Je trouve ça mieux. Alors, je garderai quand même, pour le côté littéraire, je garderai quand même Thomas Hardy premier. Et ça, c'est un gros effort. Donc moi, si tu me demandes, moi, je le mets deuxième. Je le mets au-dessus du. Je le mets au-dessus. Donc deuxième, on avait dit que c'était quoi? Le vieil homme et la mer. Le. Oh, et je le mets au-dessus du Vieil Homme et la Mer. Bah écoute, en vrai, je suis prêt à céder là-dessus. Comme j'ai cédé la semaine dernière, ça c'est mon côté sale paradise, hyper suiveur. Mais le truc Mais c'est quand. est-ce que t'as réellement préféré Sur la route au Vieil Homme et la Mer? Non. Non, Bah dis-le. non, mais disons, ouais, Tu le mets. mais je suis pas prêt à, disons, à perdre un ami pour ça. Bah écoute, ça va, Non, mais ça va, en vrai, tu sais que tu peux j'ai accepter remarqué un ça. truc, c'est que, à part Thomas Hardy, et encore, il n'y a aucun livre pour l'instant qu'on a lu que j'ai trouvé vraiment génial. Donc en fait, à partir de là, j'ai pas envie de me battre, tu vois, pour des choses qui ne me tiennent pas spécialement à cœur. Ouais, mais en fait, après, il s'agit juste de comparer, justement, c'est ça le Bon, principe. bah écoute, si pour comparer, en vrai, je pense que c'est des bouquins en vrai assez comparables au Vieil homme et la mer, mais je trouve que le Vieil homme et la mer, en fait, c'est beaucoup plus contemplatif et c'est pour ça que je trouve ça mieux à titre personnel. Enfin, disons que, en fait, c'est vraiment mon choix de bouquin et tu seras toujours porté vers des bouquins de ce type-là par rapport à des bouquins, à la limite, pas de style télégraphiste, mais toujours plus droit au but, quoi. Ok. Oui, après, c'est sûr que tu peux pas séparer le livre de la façon de l'écrire, Bah de la ouais, forme, mais du puisque. coup, écoute, je suis prêt à céder là-dessus. Troisième, moi, ça me va, même si, bon, voilà, Bon bah troisième. Du coup, ça fait. Alors premier, toujours Thomas Hardy avec Le Retour au pays natal. oui. Donc deuxième, Le Vieil Homme et la Mer. Oui. Et troisième, Sur la route. C'est ça. Ok. Voilà, on va faire que le Donc top voilà. 3, parce qu'au moins le top 3, on s'en souvient. Ouais. Bon bah c'est pas mal. Ouais. Ouais, écoute, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur dernier, moi, il y a juste là-dessus sur lequel ça, je tergiverserai pas là-dessus. Non, ouais, moi non plus. Alors il faut dire quand même que là on a fait quand même pas mal de bouquins anglophones. Le top 3 c'est que des livres anglophones. Du coup on a décidé, je l'annonce maintenant, on a décidé de se diversifier et d'aller vers la littérature russe C'est vrai. Et pour le prochain et pas épisode, ouais. n'importe quel littérateur, puisqu'il s'agit d'un dénommé Fédor. Oui, j'adore. Dostoïevski et Les Frères Karamazov. Ouais, Alors on a hésité voilà. longtemps avec Lydio, notamment pour la dédicace à Mathieu, un peu facile, je l'avoue. Arrête de baver sur ton micro. Putain, c'est pour ça après on dit qu'on est. Et bref, du coup, les frères Karamazov de Dostoïevski. Ouais, je pense que là ça va taper très très Bah, et forcément, enfin, en fait. Mais après, d'un autre côté, quand on a part avec une idée très, très élégiaque d'un bouquin, en général, enfin, c'est pas sûr que tu vois que le ouais. bouquin tienne la comparaison, hein. Ouais, mais après il y a des Non, mais qualités en vrai, qui oui, bon, changent pas. bref. Donc, a priori, voilà, donc, Fédor Dostoïevski. On va pas spoiler, mais bon, c'est pour le coup, c'est vraiment un bon bouquin comparé aux autres. Ouais, je pense que. Et là, puisqu'on nous l'avait reproché, on nous avait reproché de pas faire assez des vrais classiques, qu'en fait ce qu'on faisait c'était pas vraiment des classiques. Bah là pour le coup, je pense qu'on peut pas taper dans plus classique que ça. Ouais, voilà. Est-ce que tu aurais une petite recommandation à nous faire après cela? Ouais, est-ce que tu veux. Ouais, bah du coup je vais le faire en premier. Muy caliente, yo la seguiré bailando. Las espermas van llorando, el brazo me va pringando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango. Todo el mundo va gritando. Alors moi ma recommandation pour cet épisode pendant que je suis en train de tout faire tomber sur mon bureau. Donc voilà, ça s'appelle Z de Vassilis Vassilikos qui raconte l'assassinat du député gauche et pacifiste du député de gauche et pacifiste Georgis Lambrakis en Grèce. Et donc son assassinat par des nervis néo-nazis dans les années 60. Ça raconte toute une phase une phase assez noire de la Grèce après-guerre, puisque la Grèce a été un des seuls pays après la chute d'Hitler à conserver une frange assez forte de nazis et d'extrême droite. Donc il y a eu pendant très longtemps une sorte de guerre civile entre les communistes ou supposés communistes et les néo-nazis. Donc ce député Georgis Lambrakis en a fait les frais puisqu'il a été lynché par la foule après un de ses meetings. Il a été écrasé par un triporteur. Et après traîné donc littéralement massacré. Et donc ça raconte pendant 160 pages la préparation de son assassinat via divers points de vue, puis par la suite la réaction du peuple pacifiste qui en avait marre. Donc voilà, un très bon livre. Parfois c'est un peu étrangement traduit, mais je pense que c'est parce que c'était du grec, donc ça m'a l'air compliqué. Mais l'histoire Oui, est vraiment c'est une autre langue, passionnante. le grec. On s'y attendait pas C'est comme une ça, autre mais c'est une langue. autre langue. Mais Du oui, c'est coup, ça fou. forcément traduction, quand le mec est auvergnat, c'est compliqué. Au début, ouais, j'avais acheté la version originale. J'ai pas tout compris. Ouais, mais ça, c'est des hiéroglyphes, ça, c'est des pentagrammes, hein, ça, on comprend pas. Ah, Mais d'ailleurs, exactement. je me trompe ou le film de Costa Gavras a été transposé en Algérie? En fait, non, c'est en fait ça a été tourné en Algérie, mais ça raconte quand même l'assassinat de Grigoris Lambrakis. C'est pas Gorgis, c'est Grigoris Lambrakis. Ça raconte quand même l'histoire grecque. D'accord. C'est juste qu'il l'a tourné à Alger parce que ça pouvait ressembler. Parce que l'histoire se passe à Salonique et apparemment Alger ressemble à Salonique. Écoute, très bien. Moi, c'est noté, c'était un bouquin donc j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais lu. Je te le recommande. Bah écoute, merci. Z, je veux juste dire, Z veut dire. Donc pourquoi Z? Parce que Z veut dire Tsai. C'est pour Tsai. Et Tsai, ça veut dire il vit. Voilà, et c'était tagué sur les murs en Grèce après l'assassinat de Lambrakis. D'accord. Bah écoute, c'est passionnant. En plus, mélanger culture, littérature et plaisir, franchement. Bah, je te. Puis la bicyclette aussi, la bicyclette. Pas la peine de me remercier. Alors moi, mon ma recommandation prendra un peu la forme d'un mea culpa. Ça, putain. Ok. Bon alors, parce que bon, on se souvient plus trop bien des classements, mais dans l'idée, l'enfer d'Henri Barbusse était quand même dans les profondeurs, et il continue de creuser. Du Quand coup, même, hein. écoutez, je me suis dit, ne jamais se fier à une première impression, surtout quand elle est mauvaise. Et du coup, je me suis procuré le feu du même Henri Barbusse. Ouais. Alors, sachez, bon, par ailleurs, sachez qu'il a sa rue dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà, bon. Voilà, ça a passionné certaines gens, notamment Laurent Deutsch. Mais donc j'ai Je lu sais pas, Le y a Feu des bars dans qui. cette rue? Est-ce qu'il y a des bars dans cette rue ou Non, mais je crois que des... c'est en face de la. Putain, comment elle s'appelle la fac qui est là-bas? Bon, je sais plus. En face de la Dans fac le de Palais-Royal. 6e? Ouais, pas loin de Palais-Royal. Ok. Le Feu a reçu le prix Goncourt en 1916 ou 1917. Et il avait la particularité de parler, donc, disons, du quotidien des tranchées. Et donc, de ne pas avoir, et en plus, de ne pas avoir été trop censuré, ce qui est assez remarquable, surtout à l'époque. Donc, voilà. Le sous-titre est Journal d'une escouade. Donc, d'une escouade au front, donc, pendant les 16 premiers mois les 18 premiers mois de la guerre de 14-18. Donc, Henri Barbusse, qui aurait pu ne pas participer à la guerre, mais a été volontaire, etc. Malgré qu'il avait déjà une 40, malgré que. Tu noteras le malgré que ou pas? Ouais, j'aime beaucoup. Je Malgré ses suis pour le 40 ans, malgré que. il avait il s'est engagé voilà, de manière volontaire. Et bref, et ce bouquin, il est franchement génial. À la fois, toutes les descriptions, pour le coup, sont vraiment très bien. Tout est bien construit. Donc, l'avantage de donner à la forme de ce. Donner au livre à la forme d'un journal, c'est d'avoir pu profiter, en fait, pu nous expliquer chacune des étapes, enfin, disons, chaque action que fait une escouade à l'armée. Et au final, en fait, par exemple, aller au front, disons, courir sous les balles ennemies, c'est quelque chose d'assez peu courant. Et en fait, le pire, c'est bien évidemment, c'est de s'enliser, c'est de ne rien faire, c'est de l'attente, la saleté, les poux, les toilettes, creuser des tranchées pour les toilettes. Les bombardements qui surviennent quand on ne sait pas trop quand. Donc ça, et c'est pour le coup, c'est très bien fait. Et la fin donc du feu est une succession des 50 pages et c'est une ode au pacifisme. Ce sont genre une quarantaine de poilus qui se retrouvent embourbés dans une zone de front et qui sont là en train de se parler du dégoût de la guerre, etc. Il y a tout un tas de belles phrases que j'ai pas sous la main, mais il y en a tout un tas Ok. qui expriment, mais vraiment avec brio. Tu peux arrêter de faire du bruit? C'est pas vrai ça? Bon, il y a tout un tas de phrases qui expriment avec brio disons, la volonté des hommes au pacifisme, ce désir-là profondément ancré chez les hommes. Mais tout en sachant à la fois que les hommes oublieront très vite les horreurs de la guerre et qu'ils se replongeront dedans parce que c'est dans leur nature. Il y a tout un tas de réflexions intéressantes là-dessus. Donc voilà, c'est ma recommandation du jour. Un prix Goncourt, donc je ne sais pas quelle année, entre 1916 et 1917. Une vraie ode au pacifisme. Ah, il l'a écrit pendant la guerre ou après la Il l'a guerre? écrit pendant, en fait. Il l'a écrit pendant et il l'a même vendu. Enfin, il l'a édité, il a été vendu pendant. Sérieux? Ouais, Ah ouais. ouais, ça c'est Mais intéressant. c'est intéressant parce que donc la vision du front qui en est faite est très très très très sombre et bien loin de partir la fleur au fusil, les trucs, les comptes rendus qu'on en faisait dans les journaux de l'époque. Donc c'est pour ça, le fait qu'il n'était que peu censuré, c'est assez remarquable. Ouais. Non, vraiment super livre pour vraiment qui vraiment donne une très très belle image du pacifisme, je trouve. Voilà. Ok, bah c'est cool, c'est intéressant. Donc voilà, mea Le culpa, en feu, le fait, il feu. n'a pas fait que de la merde. Hein. Voilà. Bon, Non, non, non, mais on le même savait, s'il en a fait, pas on toqué dedans pendant 2 ans, présentait. mais. Mais même dans l'enfer, on sentait, on pressentait un petit talent, c'est juste que Non, c'est un peu foutraque, quoi. voilà. Donc voilà. Et là, c'est ce qui permet aussi un peu de comprendre pourquoi il s'est engagé à la suite. Après la guerre dans le communisme et qu'il est mort à Moscou notamment, parce que lui il avait cette volonté de voir tous les gens égaux et parce qu'il pressentait que c'était quelque chose qui serait vraiment le meilleur frein à la guerre en fait, si tous les gens étaient égaux. D'accord. Et C'était il a fini son par se idée. faire buter par des communistes, justement. C'est beau, Ouais, hein. il est mort d'une maladie a priori. Bon, ça, pendant les procès de Moscou, il y en Ouais. avait beaucoup qui mouraient par de maladie. Hein. Étrangement. Ok, bah écoute, si t'as rien à ajouter, je voulais juste ajouter qu'on. Bon, donc, rappeler que pour le prochain épisode, on allait lire Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Jean Romain me montre ses pouces pour me rappeler que Neil Cassady a perdu un pouce d'ailleurs. Exact. Ouais. Au sein Ce de. qui a donné, lieu à cette phrase magnifique que je m'apprête à citer. Ho ho ho ho, tout le monde perd ses doigts en ce moment. Superbe. Superbe. Je pense que c'est là-dessus que je vais Ouais. Alors, on peut rappeler aussi m'en quitter. également l'importance de nous donner des étoiles et de poster des commentaires. Ouais, sur Alors, iTunes. sur iTunes, donc 2 hommes et un bouquin sur iTunes. Et le fait, l'avantage, c'est que, un, nous, ça nous permet disons, de progresser, parce que vous nous donnez des points de progrès. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et aussi, alors, non, en fait, non, c'est pas du tout intéressant pour vous de le faire, mais en revanche, ça permet qu'on soit bien mieux mis en valeur et que, disons, que le plus de gens possible puissent profiter de nos talents. Voilà. Et, ouais, enfin, voilà, sans modestie aucune. Ouais, je rappelle aussi l'adresse email, deux hommes, un bouquin, @gmail.com. Voilà. Bah écoutez, pour une reprise, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'est bien, là, on s'arrête maintenant, Ouais. juste avant que je m'endorme. Yes. Allez, bisous bisous. Grosse bise.